Je voudrais pas vivre ici. Je serais pas intéressé à ma télévision. Je dirais, il y a rien là. Je serais pas intéressé à mon char. Il y a rien là. Je serais pas intéressé à mes vêtements. Je dirais, il y a rien là. C'est pour ça que c'est coupé. On est coupé. Hey. L'architecture. L'architecture, demain. Tout le monde, le gars qui est pogné avec cette énergie-là, qui voulait ça, qui est obligé de se construire une maison, un shack dans le bois, il va faire vraiment sa maison dans le bois. Fait qu'il te coupe. Moi, j'en ai vu d'architecture, j'ai sauté de même dans mon lit. J'en croyais pas mes yeux. Ensuite, il te coupe. Tu peux pas vivre avec ça. C'est la stérilité de l'homme, ça, qui veut. C'est pour ça que c'est caché, ces affaires-là, puis c'est bon que ce soit de même. On n'a qu'à avancer dans le... Si on voit ça, les claques, ils collent au plafond. Hein? Si on voit ça, les claques, ils collent au plafond. Je comprends, c'est trop beau! Moi, c'est rendu ma petite-fille. C'est rendu... Tu sais qu'on achète des choses, on achète du linge, des fois. C'est rendu quand je... Là, quand je m'achète quelque chose, il faut que j'aille à tel magasin. Je l'ai à peu près 4-5 magasins. Il y en a peut-être 5000 à Montréal, mais il y en a 4-5. C'est là que je vais. Je suis pas capable d'aller à un autre. Faut que j'aille là. Combien de temps quand tu tombes dans des affaires là-même? Puis final. C'est du linge. Tu te caches à la peau. Il y a une chose que je voulais dire qui est bien importante. C'est bien important, pis ça, vous allez le comprendre tout à l'heure quand vous êtes encore plus intelligent. C'est bien important que les hommes et les femmes réalisent. OK. C'est bien important que les hommes réalisent que les femmes aiment ça, que les hommes soient beaux aussi. Parce que les femmes, les hommes veulent que les femmes soient belles. Ça, c'est l'égocentrisme de l'homme. L'homme, lui, comment il se rend déchiré, c'est clair. Il peut pas s'imaginer que sa femme, elle aime ça, qu'il y a des beaux pantalons pressés et une belle cravate. Les hommes ne sont pas conscients que les femmes aiment ça, que leurs hommes paraissent bien. Y en a-t-il des femmes qui peuvent me baquer dans ça? Oui, ça? Oui, moi, je suis des femmes, oui. Hein? Alors, moi, je suis des femmes. C'est très facile pour moi de dire. Nous autres, on veut toujours des belles femmes, là. T'sais, parce que nous autres, on veut... Tu sais, la femme, c'est comme si elle nous donne quelque chose, elle nous fait paraître plus grand. Mais on n'est pas capable de voir que la femme, elle aussi, elle aime ça que son homme soit bien checké. Puis ça, c'est un aspect qu'ils voulaient que je parle à soir. Puis l'autre aspect de ça, c'est qu'ils disent qu'il va venir un jour. Il va venir un jour, à cause de votre sensibilité, sensibilité, sensibilité, sensibilité, il va venir un jour que vous ne... que vous apprécierez les gens que vous rencontrerez qui seront beaux. Ça, seront... ça sera vibratoire. Ouais. Exactement. L'autre, ça tenait un chapeau. C'est d'acheter un chapeau, puis il n'avait jamais porté de chapeau parce qu'il pensait que porter un chapeau, ça faisait pas de les cheveux. Pourtant, il n'y a pas de cheveux, puis il avait porté de chapeau. Fait qu'il porte un chapeau, puis là, tout le monde dit que ça lui fait bien un chapeau, puis il aime son chapeau, puis il aime porter son chapeau. Ouais. Puis j'ai dit ça complète ta personnalité. Ouais. C'est comme ça que je t'aime, c'est beau de même. Ouais. Ouais. Mais les hommes ne réalisent pas ça. Parce que l'homme, il est très égocentrique. Puis il réalise pas, c'est pas de sa faute, si ça n'a jamais été expliqué que la femme, elle aime ça qu'il soit beau. Moi, je trouve que c'est important. Ah, tout ce que je dis, c'est important. Même si ça l'air stupide. Mais je sais ce que je veux dire. C'est-tu le vêtement qui fait que la personne est belle? Le vêtement enjolive le corps matériel et indique que l'attitude interne, le mental, l'émotionnel est bien équilibré. Il y a quelque chose, ça fait partie de l'intelligence. Il y en a qui l'ont plus naturellement que d'autres, mais ça fait partie de la personnalité, c'est plaisant. Moi, il y a une personne dans toutes vous autres là, que j'apprécie toutes les fois que je la vois, c'est elle. Elle, cette femme-là, a toujours été impeccable, puis pour moi, c'est un plaisir de regarder. C'est tout le temps. J'y regarde ses souliers, puis j'acheck. Elle sait pas que j'acheck des fois, puis j'acheck. Puis j'acheck tout le temps, puis je vais toujours la checker, puis c'est plaisant tout le temps. Puis laisse-moi vous dire que du vêtement, je connais ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, quand des gens, si j'avais rencontré quelqu'un chez nous, puis je serais en jeans dans mon workshop, j'irais me changer en cravate pour recevoir des gens chez nous dans ma maison. C'est plaisant. C'est plaisant.